Lettre 65e, Agathoclès à Phocion, Nicomédie, janvier 303. Une inquiétude secrète bouleverse mon esprit. La crainte et l'espérance se succèdent à chaque minute et me jettent tantôt dans le désespoir, tantôt dans le délire du bonheur. Il est possible, ah Dieu, Phocion, saisis bien tout ce qu'enferment pour moi les mots que je vais tracer. Il est possible que Larissa vive encore. Mais il est possible aussi qu'elle m'ait oublié, qu'un autre... Non, non, c'est impossible. Ce serait une calomnie de le penser seulement. Si elle vit, elle m'aime encore, quel que soit son sort, et les circonstances qui l'empêchent sans doute de m'en donner la certitude. Mais Larissa est dans le royaume des ombres, et n'existe plus que dans mon imagination, qui me la représente sans cesse. Si elle vivait, rien, rien au monde ne l'empêcherait de m'en informer, à présent qu'elle est libre, et que notre amour ne blesse plus aucun devoir. Mais quelle est donc celle qui m'a donné cette trompeuse espérance? C'est un mystère que le temps seul découvrira. Il y a environ 8 jours que j'étais chez Sulpici, Calpurnie était avec elle. Il fut question d'un dessin que ces dernières avaient fait. Je demandai à le voir, on s'y refusa quelques instants. Enfin Sulpici me présenta une feuille qui était à côté d'elle. Imagine-toi ma surprise, mon étonnement, lorsque je vis que ce dessin représentait mon entrée à Nicomédie, quand j'apportais la nouvelle de la victoire. Je fus à la fois confus, saisi, ému de la bonté de Calpurnie. Elle rougit aussi beaucoup et parut embarrassée, mais avec sa légèreté ordinaire, elle se remit bientôt et parla elle-même de son ouvrage si naturellement, avec si peu de conséquences, que mon étonnement cessa tout à fait. Elle prit elle-même une seconde feuille que Sulpici avait voulu me cacher, et qui représentait la fête qui m'a laissé une impression douce et pénible, où, sous le costume enchanteur de la déesse de Rome, elle posa une couronne sur ma tête. Je comprends qu'elle ait voulu se retracer le moment de la victoire, sans qu'il y ait rien de particulier à moi, et qu'elle ait pu montrer ce dessin à moi et à tout le monde, mais le dernier... L'émotion que j'avais éprouvée d'abord s'anéantit, et il ne me resta qu'une grande admiration pour ses talents et pour sa froide indifférence. Après quelques moments employés par Sulpici à empaqueter les dessins avec une lettre, elle appelle un esclave et lui ordonne de faire partir à l'instant ce paquet. « Où l'envoyez-vous donc ? » demandai-je avec une curiosité très naturelle. Et voici ce qu'on me raconta. L'automne passé, une étrangère, une chrétienne nommée Théophanie, veuve d'un marchand de Byzance, passant près de Saint-Iome avec son père pour se rendre à Nicomédie, avait été invité par mes deux amis à passer la nuit à la villa où Calpurnie se trouvait alors. La tristesse de l'étrangère et son deuil profond intéressèrent extrêmement Sulpici et lui inspirèrent même pour cet inconnu une amitié sympathique. Dans le cours de la soirée, la conversation se porta sur ses dessins. L'étrangère les observa, sembla très frappée, et décela ainsi qu'elle me connaissait. Le lendemain, elle fut très abattue, et déclara tout à coup à Sulpici qu'un événement imprévu l'a forcée à changer le plan de son voyage et qu'elle voulait se rendre à Nicée. Elle partit avec son père pour cette ville où elle s'est établie dans la maison de Lysias. Elle a écrit depuis lors une couple de fois à Sulpici pour la conjurer de lui prêter le dessin en question. Ce que je venais d'entendre attira mon attention et me fit éprouver une sensation singulière. Calpurnie me dépeignit la figure de l'étrangère. À plusieurs égards, c'était celle de Larissa, à l'exception cependant d'un teint plus brun et d'une cicatrice sur une joue, mais ce pouvait être un accident. Mon cœur battait avec violence. Je conjurais Sulpici de me montrer les deux lettres qu'elle avait reçues de Théophanie. Elle y consentit à l'instant. L'écriture n'a pas le moindre rapport avec celle de Larissa. Cependant, l'agitation où j'étais en la regardant me fit croire qu'elle était contrefaite. Je ne fis point part de mes soupçons à mes deux amis, mais je les quittai, et je courus chez le préfet de la garde impériale pour le prier de me donner un congé de 8 jours. Je voulais me rendre à Nicée, dans la maison de Lysias, et voir par moi-même cette Théophanie. Le préfet se refusa à ma demande et me défendit même de quitter la ville sans sa permission. Je grinçai les dents de colère, mais je fus obligé d'obéir. Mon esclave, le plus fidèle, fut envoyé à Nicée à un ami de notre famille, pour qu'il prît des renseignements positifs. Après 8 jours d'une longueur mortelle, il arriva hier. Les nouvelles qu'il m'apportait, loin de détruire mes soupçons, les augmentèrent. Théophanie passait aussi dans cette maison pour la veuve du marchand de Byzance. Mais le vieillard qui l'accompagnait à Saint-Yom n'était point son père, c'est un prêtre chrétien, frère du sénateur Lysias, le même qui fut dans le pays des Goths l'année passée pour leur prêcher le christianisme. Est-ce de là qu'il était revenu avec l'étrangère? L'a-t-il trouvée chez les Goths? Est-elle de Byzance? Comment se trouve-t-elle avec Héliodore? De quelle manière est-elle arrivée dans la famille de Lysias? Mais que m'importe, ce n'est pas Malarissa. Le lâche, le vil Marcius Alpinus l'avoue tous les jours, il joue publiquement le rôle de son admirateur. Il veut, dit-on, l'épouser. Et cette Théophanie le traite avec amitié, cause souvent avec lui, paraît se plaire dans son entretien. Dieu, Phocion, si c'était en effet Larissa, si Marcius Alpinus était devenu son ami, son confident, tandis qu'elle me laisse ignorer son sort. Oh, Phocion, cette seule supposition perce mon cœur comme un poignard acéré. Que cette femme soit Larissa, ou qu'elle ne le soit pas, je suis également malheureux. Et Larissa perdue à jamais, pour celui qui l'aime si passionnément, dont le bonheur égalerait celui des élus du ciel, s'il l'avait retrouvée fidèle. Mais l'ami de Marcius, oh Dieu, Dieu! Tout mon être se soulève à cette pensée. Je regarderai comme mon plus mortel ennemi, celui qui oserait me dire que Larissa s'est échappée des mains des barbares pour se donner à Marcius. Et si ce n'est pas Malarissa, si cette dernière, comme il n'est que trop vraisemblable, repose sur les ruines de Trachène, l'instant d'espoir auquel j'ai livré mon âme me rendra sa perte mille fois plus cruelle. Te représentes-tu, Phocion, l'excès de ma félicité? Si elle était sortie pour moi du tombeau, je la croyais ensevelie à jamais, libre d'unir nos destinées comme nos cœurs le furent toujours. Douce et vaine illusion, éloigne-toi de ma pensée. Puisque Larissa n'est pas dans mes bras, et la compagne de ma vie, Larissa n'existe plus. Mais qui donc est cette Théophanie? D'où vient mon image, l'a-t-elle frappée? Elle est née à Nicomédie, elle prétend m'avoir vue souvent il y a une dizaine d'années. Sans doute je l'ai vue aussi sans la distinguer. Et cependant elle doit ressembler à Larissa, d'après ce que m'a dit Calpurnie. Et cette ressemblance ne m'aurait-elle pas frappée, intéressée, en quelque lieu que je l'eusse rencontrée? Héliodore aura fait par hasard sa connaissance à Byzance, et cette jeune veuve se sera mise sous la garde de ce respectable prêtre des chrétiens pour faire le voyage de Nicée. Elle l'appelait son père. Les chrétiens donnent souvent ce titre à leur guide spirituel, et les deux amis y auront été trompés. À Nicée, Héliodore l'a placée chez son frère, et croyait qu'elle pourrait y vivre cachée pendant son deuil. Mais le voluptueux Marcius l'a découverte, et la rangera bientôt au nombre de ses victimes. Cette histoire est toute simple, toute ordinaire, et je ne sais pourquoi je m'agite au sujet d'une personne qui m'est aussi complètement indifférente. Son émotion à la vue de mon portrait, sa pâleur, ses yeux pleins de larmes, le changement subi de son plan de voyage, sont autant de circonstances qui n'ont existé que dans l'imagination romanesque de Sulpice, qui voit tout au travers du prisme de l'amour et rien sous sa couleur naturelle. Et voilà où se réduisent mes espérances mensongères. 100 fois par jour encore, je me surprends à m'occuper de la foule de suppositions, de doutes, de contradictions que cette lettre insensée contient. La raison anéantit des illusions qui renaissent malgré moi, et que mon cœur se reproche, et de conserver et de perdre. Il faut que j'aille à Nicée, il faut que je voie cette femme. Mais que m'importe de la voir si elle n'est pas Larissa? Et si c'est elle, et si je trouve auprès d'elle Marcius Alpinus? Phocion, ma raison s'égare, la terre brûle sous mes pieds. Il faut que j'obtienne la permission d'aller à Nicée, il faut que je sorte de ma cruelle incertitude. La politique et la haine ont réussi dans leurs projets, on poursuit les chrétiens, mais il faut espérer que nos ennemis ne triompheront pas. Des milliers de victimes tomberont. Les autels ruisselleront du sang des fidèles, mais l'Église n'en sera que plus ferme et plus auguste. J'éprouve un genre de peine que je ne connaissais pas encore, celui d'avoir à cacher mes opinions, que j'ai toujours montrées trop ouvertement. Je vois souffrir ceux que je regarde à présent comme mes frères. Je vois avec indignation les injustices que l'on se permet contre eux. Je voudrais les défendre et partager leurs dangers, mais les ménagements que je dois à un père proche du tombeau me défendent de me déclarer publiquement pour eux, de me reconnaître de leur religion. et je m'en afflige d'autant plus qu'ils ont dans ce moment peu de défenseurs parmi les gens accrédités. Constantin lui-même est comprimé par les circonstances. Les communautés se rassemblent en secret dans les catacombes qui leur servaient déjà de retraite. C'est là que les chrétiens font leur service divin, qu'ils se concertent sur leurs dangers. L'entrée m'en est refusée, parce qu'ils me croient encore un païen et un partisan de la cour. Tu dois comprendre combien je souffre de cette dissimulation. Mais j'y renoncerai, si mes devoirs envers mes frères opprimés et ma conscience m'appellent à secouer toute autre considération. Peut-être entendras-tu bientôt parler de moi. Mon sort doit se décider incessamment. En attendant, adieu, cher ami.